Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de notre podcast Marvelicious. Aujourd'hui, l'épisode est consacré à Venom et notamment les liens entre Venom et Spider-Man. Bref, vous avez compris, on va parler du célèbre symbiote. Laissez-moi vous dire que j'ai hâte de vous parler de l'actualité du héros Marvel, Venom. D'ailleurs, il y a ce dernier film intitulé Venom The Last Dance avec Tom Hardy de retour dans le rôle principal. Ce film promet d'être une conclusion épique pour l'histoire de Venom et d'Eddie Brock. Avant de nous plonger dans cet épisode, il est important de revenir sur les deux premiers films de la série qui ont malheureusement déçu beaucoup de fans. Moi le premier d'ailleurs. Le premier film, sorti en 2018, malgré son succès au box-office, a été critiqué pour son scénario incohérent et ses effets spéciaux inégaux. Bien que Tom Hardy ait livré une performance solide en tant qu'Eddie Brock, le film n'a pas réussi à capturer l'essence sombre et complexe du personnage de Venom, donnant lieu d'ailleurs à un ton parfois maladroit entre l'horreur et la comédie. Le deuxième film, Venom Let There Be Carnage, j'ai toujours un problème avec l'accent anglais, vous m'excuserez, est sorti en 2021 et il n'a pas non plus réussi à convaincre. D'ailleurs, à mon souvenir, j'ai pu faire un podcast dessus et on l'a littéralement massacré, le film, voilà. Mais malgré l'ajout en fait du symbiote Carnage, qui a été incarné par un acteur que j'adore d'ailleurs dans le film Bienvenue à Zombieland, Woody Harrelson, eh bien, le film a souffert d'un rythme précipité. Il était très court d'ailleurs, ce film. Il y avait un manque de profondeur dans le développement des personnages, notamment dans la relation entre Carnage et Venom, qui est beaucoup plus complexe dans les comics. Je pourrais revenir dessus d'ailleurs. Et en fait, on espérait une... Personnellement, moi j'espérais une confrontation assez épique entre Venom et Carnage, mais en fait, totalement déçu. Ce film, il manquait de tension, il manquait d'intensité, le scénario était rempli de raccourcis scénaristiques, l'humour avec des blagues qui semblaient forcées. Voilà. On n'avait pas cette impression-là que le film a été fait vraiment pour les fans, réellement. Et puis là, on se trouve avec ce dernier film, Venom, The Last Dance. Alors, c'est le dernier de cette trilogie qu'ils ont décidé de consacrer à Venom. À l'heure où j'enregistre, le film n'est pas encore sorti, mais j'irai le voir et je pense qu'on va faire un podcast sur nos impressions avec toute l'équipe sur ce film. J'ai été voir un peu le synopsis. Donc, le synopsis que je vous propose là est tiré de ce que j'ai pu lire sur Internet, mais aussi de mon constat sur la bande-annonce. Donc pour moi, dans Venom The Last Dance, on a Eddie Brock et Venom qui semblent être en cavale, qui sont traqués par leurs propres congénères. Donc en fait, Eddie Brock par les humains et Venom par d'autres symbiotes. C'est l'impression que j'ai. Et alors que la pression monte et que leurs ennemis se rapprochent, le duo est contraint de prendre des décisions qui, on a vraiment cette impression, annoncent la fin de leur aventure. Pour ne pas dire de leur duo. Donc ce film est le dernier volet de la trilogie, comme j'expliquais tout à l'heure. Bon, je ne sais pas s'il nous promet de nous offrir des actions palpitantes, des rebondissements émotionnels, ou même une conclusion épique, ça je ne sais pas. J'ai un doute quand même, vu les piètres performances des deux, j'ai envie de dire jamais 203, donc j'attends pas grand-chose de ce dernier film, d'autant plus que j'ai pu comprendre que les critiques américaines massacrent, encore une fois, le film Venom. Mais la vraie question qu'on peut se poser, c'est après cette trilogie, est-ce qu'on peut revoir Venom et Eddie Brock ? Parce qu'on annonce que c'est le dernier film de la trilogie. Je pense franchement que oui, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est la popularité du personnage. Venom, c'est l'un des personnages les plus populaires de l'univers Marvel. Son charisme et sa personnalité en font un favori des fans, garantissant à Marvel et à Sony une certaine fidélité de ces derniers. Et en fait, une volonté aussi peut-être d'explorer d'autres histoires avec le personnage. La deuxième raison, c'est l'expansion de l'univers Marvel. Avec l'introduction de nouvelles dimensions et du multivers dans le MCU, il y a de nombreuses opportunités pour Venom de réapparaître dans différents contextes, différents scénarios, différents univers. Et on aura aussi la possibilité d'une fusion potentielle des univers Marvel et Sony qui pourrait offrir de nouvelles aventures à Eddie Brock et son symbiote, ou juste au symbiote Venom. Autre chose, c'est qu'il y a d'autres thèmes qui sont inépuisables hein, pour l'histoire entre Venom et Eddie Brock. On a encore beaucoup d'histoires à raconter, que ce soit sous la forme de films, de séries, ou même, pourquoi pas, des caméos dans plusieurs films du MCU. Et enfin, la dernière raison pour laquelle je pense qu'ils reviendront, c'est les crossovers et les collaborations toujours existantes entre Marvel et Sony. Les fans dont je fais partie, on attend toujours avec impatience des crossovers entre les personnages. Et là, j'en attends un, moi, entre Venom et notamment avec Spider-Man. On est nombreux d'ailleurs à vouloir ce crossover, notamment si vous vous souvenez, on avait vu l'apparition du symbiote dans le MCU. Alors, il est fort probable que nous reverrons Venom dans les films Spider-Man avec Tom Holland. La popularité de Venom et l'enthousiasme des fans pour un crossover entre les deux personnages sont des facteurs clés. Je pense notamment à une scène post-crédit de Spider-Man No Way Home où on voit Eddie Brock et Venom transportés dans l'univers du MCU, mais ils sont rapidement envoyés dans leur propre univers. Cependant, si vous vous souvenez, on a une partie du symbiote de Venom qui reste dans l'univers du MCU, et je pense que là, cela ouvre la porte à des futures apparitions de Venom dans les Spider-Man, où ce fragment du symbiote pourrait chercher un nouvel hôte, ou même tenter de se réunir avec le Eddie Brock de ce monde, Terre 616. Aussi, vous le verrez, mais je l'expliquerai, c'est que ce fragment de symbiote de Venom qui serait resté sur Terre 616 pourrait aussi être utilisé comme une sorte de balise qui permettrait au Venom et Eddie Brock des films de revenir sur la Terre 616. Et franchement, je pense que c'est possible puisque Marvel et Sony ont su montrer à leurs fans qu'ils ont eu souvent la volonté de collaborer étroitement pour explorer des arcs narratifs communs, et la présence de Venom dans les futurs films Spider-Man pourrait enrichir le récit et attirer un public encore plus large pour le MCU, mais aussi pour le Sonyverse. Le Venom que nous connaissons pourrait facilement apparaître dans différents univers, dont celui de Tom Holland, sans réelle contrainte scénaristique au final. Plus encore, l'inclusion de Venom pourrait introduire de nouveaux défis, un nouvel allié pour Spider-Man, tout en explorant davantage la complexité de Venom, parce que oui, Venom est un personnage complexe, parce qu'il est un symbiote, et vous devez savoir, c'est que les symbiotes ont une histoire. Cela étant dit, et en ce qui concerne le dernier film, vous devez savoir qu'il existe un comics écrit par Donny Cates et illustré par Ryan Stegman. Et ce comics que je vais vous présenter explore également des thèmes similaires, même très similaires, à ceux du dernier film The Last Dance, que je répète que je n'ai pas encore vu à l'heure actuelle, mais que ça se trouve je verrai dans la semaine. Voilà. Pourquoi ça paraît important? Vous avez vu, j'ai toujours parlé des BD, mais pas forcément des auteurs ou des illustrateurs. L'auteur Donny Cates, pour moi, est très spécial, puisque cet auteur, Donny Cates, a écrit et réécrit, en gros, il a fait un grand reset sur le travail du héros Venom. Depuis qu'il a pris les rênes de l'écriture pour Venom en 2018, Donny Cates a réinventé et revitalisé le personnage. Il lui apporte une profondeur et une complexité narrative qui avait parfois manqué dans les interprétations précédentes. Avant, on disait, bah tiens, c'est un symbiote qui s'attache à Spider-Man. Et en fait, Donny Cates a essayé de dégager en fait Venom de cet attachement, de cette image de symbiote de Spider-Man. Donc il s'approche plus sur un côté horreur cosmique. On est sur un personnage très violent, qui est empris à des conflits psychologiques. Et il a créé plusieurs arcs narratifs. J'en parlerai dans d'autres épisodes, mais voilà, Cates, ce que vous devez savoir, a introduit une menace cosmique qui a non seulement redéfini l'origine de Venom, mais aussi impacté l'ensemble de l'univers Marvel. Je souhaite vous présenter, les amis, le comics Venom Rex. Le comics Venom Rex est pour moi un fondamental qu'il faut au moins avoir lu. Alors, il est en anglais au format Kindle sur Amazon à 3,50€. C'est un comics qui fait 130 pages. Alors, laissez-moi vous dire que 130 pages à 3,50€, ça vaut le coup. C'est comme, vous savez, je vous l'ai déjà dit, je ne suis pas non plus un bilingue, mais en anglais, il est très facile à lire. Il existe en français, mais il est plus cher. Je crois qu'il est entre 10€ ou 15€. Non, peut-être 20, je ne sais plus. En tout cas, on est carrément au plus de 10€. Franchement, on est vraiment à 3,50€ le format numérique. Ça vaut largement le coup. Donc, dans ce comics, on a Eddie Brock qui découvre l'existence d'un super vilain. C'est même pas un super vilain. Il découvre l'existence de Knull. c'est le dieu des symbiotes. Je vous en parlerai dans ce podcast. Et justement, je vous propose que dans cet épisode, nous plongeons au cœur de l'intrigue palpitante de Venom, Rex. Le comics commence après qu'Eddie Brock se réveille à la suite d'un cauchemar qui l'a tourmenté mais aussi son symbiote Venom. Dès l'ouverture, nous sommes plongés dans l'univers sombre et oppressant d'Eddie Brock. La tension est palpable et quand Eddie commence à ressentir des perturbations inquiétantes au sein de son symbiote, l'atmosphère devient lourde et chargée de mystère. D'ailleurs, Eddie Brock et Venom souffrent de visions cauchemardesques. Venom et Eddie sont connectés sur la station de radio de la police locale. Ils apprennent qu'un super vilain, il s'appelle Jacko Lanterne, bon c'est un super vilain avec une tête de citrouille qui est un peu pyromane, bref, est présent dans le cadre d'un trafic d'armes et ils décident de l'arrêter. Arrivé sur les lieux du trafic, on a un combat intense qui commence, qui mêle coups de pied, coups de poing, armes à feu, la totale, et en plein combat, Venom et Eddie Brock sont emplis de vision, rendant même Venom complètement fou et incontrôlable pour Eddie. C'est au milieu de ce tumulte que Rex Strickland fait son entrée. Directement, il calme les envies de carnage de Venom, comme s'il avait un don, et l'on découvre que ce personnage de Rex est un ancien soldat américain et que lui-même a été hôte d'un symbiote. Et c'est ainsi que nous allons avoir une petite rétrospective sur le passé de Rex Strickland. Alors, Rex, on découvre qu'il est un ancien membre d'une unité militaire secrète et que lui et ses camarades avaient été exposés à des symbiotes lors d'une mission périlleuse. Ce contact avec les symbiotes ont radicalement changé leur vie, les transformant en hôtes de ces créatures extraterrestres. En résumé, Venom n'était pas le premier. Symbiote est arrivé sur Terre, il y en a eu d'autres, et eux-mêmes ont eu leurs propres hôtes. En tant qu'hôte d'un symbiote, Rex a vécu des expériences traumatisantes, luttant pour conserver son humanité, tandis que la créature en lui tentait de prendre le contrôle. L'avantage de notre héros Venom et Eddie Brock, c'est qu'il y a un respect mutuel, mais sachez que comme je vous expliquais tout à l'heure, c'est que les symbiotes ont leur propre histoire, leur propre personnalité, et il est possible que des fois, le symbiote prenne le dessus sur leur hôte. Cependant, au fil de leur interaction dans le comics, entre Eddie et Rex, une forme de respect mutuel s'installe entre eux. Rex devient vite une figure mentorale pour Eddie, partageant ses connaissances et expériences pour l'aider à naviguer dans le monde sombre des symbiotes. La présence de Rex dans Venom est crucial car il apporte une profondeur historique et une perspective unique sur l'histoire et l'arrivée des symbiotes sur Terre. Donc pour comprendre tout ça, bien sûr, je vous envoie sur le comics, puisque comme vous savez, je ne fais qu'un large résumé. Alors, la rencontre entre Rex et Eddie n'est pas anodine, puisque Rex indique qu'il a besoin de Venom pour sauver ses anciens coéquipiers qui seraient encore sous l'influence de leur symbiote. Et on apprend que ses anciens coéquipiers sont retenus par le Shield et qu'un transfert de ces derniers doit se faire par camion. Bien sûr, Venom accepte de prêter main forte à Rex dans cette mission de sauvetage périlleuse. Venom décide d'intercepter le convoi du Shield et libérer les anciens camarades de Rex. Une fois le camion arrêté, il découvre les anciens soldats de Rex, mais toujours sous l'emprise de leur symbiote. Il semblerait que les symbiotes ont pris le dessus sur leur hôte. Les créatures sont totalement sauvages, par des années de captivité, ils attaquent immédiatement Venom et Eddie Brock. Venom doit alors faire face à ses propres semblables, essayant de les maîtriser sans les détruire. On a une lutte intense, marquée par des déchaînements de violence, des éclats d'énergie symbiotique. S'ensuit ensuite une folie furieuse de Venom qui devient incontrôlable à l'approche de ses pairs, même pour Eddie Brock qui n'arrive pas à le contrôler. Et là, soudainement, une peur envahit Venom qui décide de quitter son hôte qui fait seul face aux soldats symbiotes. Eddie est là, devant eux. Il ne peut plus bouger. Il est totalement dans l'incompréhension. Venom s'est enfui. Et c'est là qu'Eddie Brock est mortellement touché par les soldats symbiotes. Eddie Brock est à terre, Venom n'est plus là. Après le combat, d'une façon curieuse, les symbiotes se détachent progressivement des corps de leur hôte, totalement épuisés, des anciens camarades de Rex. Et c'est à ce moment-là que Venom décide de revenir auprès de son hôte, de soigner ses blessures mortelles. Et on comprend vite à ce moment que les symbiotes sont soit contaminés, soit qu'ils répondent à un appel. Dans une scène empreinte d'une tension extrême, un dragon symbiotique émerge des profondeurs des égouts. Ses écailles luisent d'une énergie maléfique, ses yeux rouges comme des brasiers. L'arrivée du dragon marque un tournant dans la mission de Venom. Tandis qu'il se prépare à contenir cette nouvelle menace, le dragon se déchaîne dans les rues, détruisant tout sur son passage. C'est à ce moment-là que Miles Morales, alias Spider-Man, s'introduit de manière spectaculaire et héroïque dans l'histoire. Sa rencontre avec Venom est électrique et apporte même une dynamique nouvelle à l'intrigue. Un court combat s'engage entre eux, jusqu'à ce qu'ils décident tous deux d'y mettre fin pour unir leurs forces et vaincre le dragon symbiotique. Alors une incompréhension émerge quand même entre Miles et Eddie Brock, parce que bizarrement, Eddie Brock explique que Miles Morales n'est pas son premier Spider-Man. La bataille entre Venom, Miles Morales et le dragon est un des moments les plus intenses de cette aventure. Tandis que le dragon sème la destruction, Venom et Miles font preuve d'un courage et d'une résilience remarquables. Leur coordination est époustouflante. Chaque attaque de l'un étant suivie d'une contre-attaque de l'autre. Venom, avec sa force brutale et ses capacités symbiotiques, fait face aux attaques frontales du dragon. De son côté, Miles utilise sa vitesse et son agilité pour esquiver et frapper. Miles, avec une détermination inébranlable, lance une série d'attaques audacieuses. Utilisant son venin bioélectrique, il parvient à délivrer un coup décisif qui affaiblit considérablement le dragon. Le dragon est au sol, il ne bouge plus, il ne respire plus, il semble mort. Mais où est Miles Morales ? Malheureusement pour Venom et Spider-Man, ce n'est pas une réelle victoire. Knull sort de la bouche du dragon, vaincu, et Miles Morales est KO dans ses bras. Knull se distingue par sa grandeur et son apparence sinistre à la peau grisâtre. Ses yeux, semblables à des abysses rouges, brillent d'une fureur et d'une puissance incommensurables. Ses cheveux longs et blancs ajoutent une touche spectrale à son allure générale, contrastant vivement avec son teint grisâtre. Vêtu d'une armure noire d'apparence organique, forgée à partir de symbiotes, Knull projette une aura de terreur et de domination. Son physique est imposant, témoignant de sa force brute et de son invincibilité. Ses mains sont griffues. Mais la vraie question, c'est qui est Knull ? Et le comics nous l'explique. Et si vous vous souvenez bien, Knull doit apparaître dans le dernier film de Venom, The Last Dance. Initialement, Knull est une entité primordiale existant avant la création de l'univers qui régnait sur un royaume de ténèbres ou de néant. Doté de pouvoirs vastes et terrifiants, il façonna les symbiotes en utilisant des entités ou espèces cosmiques. Il les appelle d'ailleurs « mes enfants » et il contrôle tous les symbiotes. L'un des pouvoirs les plus impressionnants de Knull réside dans sa capacité à contrôler la ruche des symbiotes. Il faut imaginer que les symbiotes constituent un collectif comme une ruche. C'est pour ça que d'ailleurs on appelle ça la ruche des symbiotes. Donc c'est un collectif conscient qui relie tous les symbiotes existants à travers un réseau mental. Tous les symbiotes sont connectés, voire interconnectés, mais ce soit dans le même univers, mais aussi dans le multivers. Par exemple, un symbiote sur Terre 1, a toujours un lien avec un autre symbiote qui serait par exemple sur Terre 2. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs le réseau mental. Et par ce lien, Knull peut manipuler les symbiotes à sa volonté, il peut les modeler, les orienter comme bon lui semble, même à travers les vastes étendues du multivers. Ce pouvoir lui permet d'ailleurs de contrôler non seulement des individus, mais aussi des armées entières de symbiotes, les utilisant pour semer le chaos et la destruction. Je vais vous donner un exemple. Vous avez trois symbiotes, un sur chaque hôte, dont trois hôtes, il peut contrôler, grâce aux symbiotes, les hôtes. En outre, Knull possède une arme emblématique qu'on appelle la nécro-épée. C'est la première épée symbiotique qui est capable d'abattre des dieux. Le lien de Knull avec le multivers est également crucial, car en raison de la nature cosmique et interdimensionnelle de ses pouvoirs, ses actions et décisions entraînent des répercussions sur divers univers parallèles. Knull, c'est une réalité, c'est une menace multidimensionnelle. Alors c'est pas mal puisque le MCU justement met en place le multivers. Knull, c'est le dieu des symbiotes et il est particulièrement redoutable. Son exploit d'ailleurs est d'avoir décapité un céleste. Pour rappel, vous avez pu voir ce qu'était un céleste dans le film Les Éternels. Et si vous avez vu Les Gardiens de la Galaxie, vous verrez que les gardiens de la galaxie utilisent comme base le crâne d'un céleste. Alors si ça se trouve, c'est celui qui a décapité Knull sur Terre 616. Enfin, du moins, sur l'univers 616. Les célestes, ce sont ces êtres géants qui ont créé de nombreuses formes de vie dans l'univers, et notamment les êtres humains. On apprend enfin que le dragon est un Grendel. Le symbiote Grendel est l'une des créations les plus redoutables de Knull. Grendel est un dragon constitué de 4 symbiotes gigantesques, conçus pour semer la terreur et la destruction à travers l'univers. Knull, dans sa quête de domination et de chaos, utilisa Grendel comme un instrument de son pouvoir destructeur. Grendel a une force herculéenne. Il a même la capacité à ravager à lui seul des planètes entières. Et ce symbiote dragon a joué un rôle central dans les efforts de Knull pour étendre son influence sur la Terre. Pour ça, je vous renvoie à la lecture du comics. La puissance de Grendel réside non seulement dans sa taille et sa force, mais aussi dans sa connexion directe avec Knull lui-même. Cette connexion permet à Knull de contrôler le dragon symbiote comme une extension de sa propre volonté, rendant Grendel encore plus dangereux et imprévisible. Pour vous donner une idée, c'est que Knull peut très bien être à l'autre bout de l'univers et contrôler les symbiotes directement sur la Terre. Sur ce passage, on apprend comment Grendel est arrivé sur Terre, mais aussi comment il a été vaincu. D'ailleurs, si je peux vous aider, il a été vaincu par Thor. Mais ça, je vous invite encore une fois à lire le comics pour connaître l'histoire de la victoire de Thor sur Grendel. Knull répète à plusieurs reprises qu'il lui manque un symbiote sur son Grendel et qu'une fois au complet, Grendel pourra le libérer de sa cage. Alors n'oubliez pas, les anciens camarades et alliés de Rex qui étaient des hôtes de symbiotes, les symbiotes ont disparu, maintenant on sait où ils sont partis. Et donc, il en manquerait un pour compléter le dragon symbiote Grendel. Et l'on comprend ainsi que ce n'est pas Knull qui est présent aux côtés de Grendel, mais que c'est une sorte de reflet de Knull qui est présent devant Venom et Miles Morales. Ce n'est pas Knull en personne. Il parle de cage, et on apprend que sa cage, c'est la prison où il se retrouve prisonnier dans l'univers. C'est une prison créée comme une planète par ses propres symbiotes. Car même s'il contrôle les symbiotes ont peur de leur dieu, Knull. Et pour comprendre comment Knull se retrouve dans cette cage planétaire, si je peux me permettre l'expression, par ses propres symbiotes, eh bien, je vous invite à lire le comics qui vous permettra de mieux comprendre la situation. Ah, mais que se passe-t-il ? Miles Morales se réveille. Alors que Knull raconte son histoire, Miles Morales se réveille et d'un puissant coup de poing sur Knull met fin à son discours. Miles, avec ses capacités uniques et son esprit indomptable, apporte un souffle d'espoir pour Venom. Knull est battu, mais pas vaincu. Les super-héros décident donc de se séparer. Une fois seul, Venom explique le lien qui existe entre les symbiotes et leurs dieux. Les symbiotes forment une sorte de ruche, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, où ils sont tous connectés, et Knull peut retrouver chacun d'eux. Knull peut les soumettre et faire d'eux ce qu'il veut. À la lecture de ce passage, on comprend vite que Venom est effrayé, terrifié même. Il explique ainsi que Knull saura toujours le retrouver et qu'il peut aussi envoyer d'autres symbiotes pour le retrouver et le ramener à son maître. C'est à ce moment-là que Venom et Eddie comprennent que le symbiote Grendel manquant n'est autre que Rex. Rex apparaît sous un autre jour. Il révèle la vérité. C'est lui, le dernier symbiote pour le dragon symbiote Grendel. C'est alors que Eddie, Venom et Rex décident de s'unir. Et là, Eddie n'a pas un, mais deux symbiotes sur lui, le symbiote Grendel manquant, mais aussi Venom. Voilà Eddie Brock avec deux symbiotes et encore plus puissant qu'auparavant. Cette fusion de symbiotes renforce considérablement Eddie, lui conférant une puissance inédite et une nouvelle détermination, celle de battre définitivement le dragon symbiote Grendel. Le combat final oppose Rex et Venom sur leur hôte Eddie Brock contre le dragon symbiote, le Grendel. Le Grendel, créature massive, terrifiante, symbolise la rage brute et le pouvoir destructeur de Knull. La bataille se déroule dans un cadre industriel, un lieu de métal et de braise, où chaque coup résonne avec un écho, où chaque coup résonne comme un tonnerre. Eddie et Venom, maintenant combinés avec Rex, engagent le Grendel dans un échange féroce de coups, de feintes et de charges symbiotiques. Chaque mouvement est une danse de survie, une lutte acharnée où la moindre erreur peut être fatale. Le Grendel, bien que redoutable, n'est pas invincible. Eddie utilise la force combinée de ces deux symbiotes et parvient à exploiter les faiblesses de la créature. Eddie se souvient des vulnérabilités au feu et à la chaleur des symbiotes et se sert de l'environnement pour son avantage. Ne l'oubliez pas, nous sommes toujours dans un cadre industriel et Eddie se trouve non loin d'un four industriel. Eddie décide d'attirer le Grendel vers le four industriel pour le piéger. La chaleur intense commence à affaiblir la créature. Le Grendel rugit de douleur, rugit de frustration. Le combat est brutal, intense, chaque assaut rapprochant Eddie de la victoire, mais à un coût élevé. Le Grendel riposte avec une fureur dévastatrice, ses attaques laissant des marques et des blessures profondes. Toutefois, Eddie persévère, animé par un courage indomptable. Finalement, grâce à une ultime manœuvre stratégique et avec un sens du sacrifice, Eddie parvint à piéger totalement le Grendel dans le four. Il pousse de toutes ses forces avec son dos la porte lourde du four industriel. Son dos est en feu, son cou est en feu, ses cheveux sont en feu. Venom ne peut pas l'aider puisque Venom ne supporte pas le feu et la chaleur. Et il en est de même pour Rex. Eddie est en train de brûler, vivant, mais il tient bon. La porte se referme sur la créature, emprisonnant Knull et son avatar dans un enfer de feu. Rex est sacrifié pour aider Eddie dans sa quête. La chaleur extrême désintègre le Grendel, ses hurlements s'estompant dans un silence cinglant. Le triomphe d'Eddie Brock à ce moment marque un tournant décisif dans la lutte contre Knull, affaiblissant considérablement le dieu des symbiotes. Cependant, la victoire n'est pas sans coup, et les cicatrices de cette bataille resteront gravées dans l'âme d'Eddie. Eddie est au sol, il n'entend plus son symbiote, il ne ressent plus son symbiote. Venom ne répond plus à l'appel. Venom, où es-tu ? Pardon, Eddie. Voilà. Vous voulez savoir la suite et la fin ? Ben, il faut aller lire le comics. J'ai déjà fait un bref résumé sur 130 pages, mais il y a encore tellement à découvrir sur ce comics. Et honnêtement, pour 3,50€ la version numérique, faites-vous plaisir. Voilà. Il y a encore beaucoup à savoir sur cette histoire. Il y a une suite aussi, le tome 2. Il s'appelle Abyss. Il est aussi au format Kindle et il est aussi pour 3,50€, pour vous dire. Voilà. Ce sont des comics faciles à lire, ne vous inquiétez pas. En conclusion, Venom Rex est plus qu'un simple comics pour moi, c'est une odyssée épique qui transcende les conventions du genre. Donny Cates et Ryan Stegman ont créé une œuvre qui captive par son intrigue, émerveille par ses illustrations et touche par la profondeur de ses personnages. Il s'attache à de nombreux thèmes, comme le thème de la vulnérabilité à travers les symbiotes, leur soumission à leur dieu et leur faiblesse au feu. On a aussi le thème de la bravoure et le thème du sacrifice. Eddie Brock et Miles Morales montrent un courage inébranlable face à des forces apparemment insurmontables. Leur acte de bravoure, souvent au péril de leur propre vie, souligne l'importance et la détermination de leur lutte contre le mal. Et enfin, un thème que j'aime bien, c'est celui de la résilience, qui est également central dans Venom Rex. Eddie Brock, malgré les innombrables épreuves et souffrances qu'il traverse, trouve toujours la force de se relever et de continuer à lutter. Si vous êtes un fan de Venom et de Spider-Man, ce comics est donc un incontournable. Et même si vous ne l'êtes pas, bah préparez-vous à être conquis quand même. Parce que bon, je pense que Venom The Last Dance va mettre en place une partie où va s'inspirer directement de ce comics Venom Rex. D'autant plus que mon petit doigt me dit qu'on verra Knull au cinéma encore plusieurs fois. Un dieu vilain qui a été vaincu par Thor, qui n'aime pas les humains, qui connaît le multivers, il a tout pour être un vilain cosmique qui peut permettre le rassemblement de nombreux super-héros sur Terre pour le vaincre, qui peut aller de Spider-Man aux Avengers et même les X-Men. Peut-être avons-nous là notre prochain vilain Marvel, aussi charismatique que Thanos. Mais ça, je pense qu'on le saura bien assez tôt, ou pas, peut-être que je me trompe, mais dans tous les cas, j'espère avoir titillé votre curiosité à en savoir plus sur les symbiotes, et notamment leurs origines et leur histoire, et sur leur rapport avec le multivers. En tout cas les amis, je vous remercie pour votre écoute, je vous remercie d'ailleurs pour les formats courts que j'ai pu faire qui vous plaisent énormément apparemment et qui vous inspirent et qui vous donnent envie d'écouter et même de réécouter les anciens épisodes mais aussi de lire les comics que je vous propose. Venom The Last Dance sera-t-il la reproduction complète de Venom Rex ? Je ne crois pas. Par contre, est-ce que ce comics a inspiré le film ? Ça, j'en suis sûr. Alors, le prochain format court, je ne vais pas passer par quatre chemins. Vous êtes au courant qu'Amazon Prime est en train de produire une série sur le Spider-Man noir, notamment avec l'acteur Nicolas Cage. Eh bien, laissez-moi vous annoncer que le prochain format court parlera du Spider-Man noir. Merci de votre écoute et à très bientôt pour une nouvelle aventure. Ciao, ciao !